Le poème de Hindla. Réveille-toi, vierge des vierges, réveille-toi, mon amie, Hindla, ma sœur, qui habite dans la grotte. Il fait nuit maintenant, et nous devons nous rendre à cheval dans Valhall et les lieux saints. Saluons le père des armées à l'esprit clément, il donne de l'or et récompense ceux qui le méritent. Hermod eut de lui une cotte de maille, et Sigmund un glaive. Il donne la victoire à ses fils, à quelques-uns la richesse, l'éloquence à ceux qui sont généreux, la raison aux hommes, le vent aux navigateurs, l'esprit poétique aux poètes, et le courage viril à beaucoup de guerriers. Sacrifie à Thor et prie-le de se montrer favorable envers toi, mais il ne sera clément envers les fiancés des géants que fort tard. Tire maintenant ton loup de l'écurie et laisse-le courir avec le licour unique. Le port appartiendra ensuite. Je vais monter sur mon coursier, plein de fierté, pour suivre la route des dieux. Tu es rusée, Freya, et tu tournes les yeux vers nous pour me tenter. Tu conduis ton héros en la compagnie des morts. Ottar, le jeune fils d'Einstein. Tu es troublée, Hindla, et tu rêves, je crois, en disant que mon époux est en la compagnie des morts, lorsque le porc, cet animal des héros, que deux nains habiles, Dane et Nab, ont fait pour moi, jette de l'éclat. De la selle sur laquelle nous sommes assises, parlons des races royales et des héros issus des dieux. Ottar le jeune et Angantyr firent un pari relativement au métal des morts. L'or. Le jeune héros a mérité qu'on lui vînt en aide pour entrer en possession de l'héritage de ses parents. Il a élevé des autels en mon honneur. Maintenant ce rocher est devenu du verre. Ottar l'a enduit du sang des jeunes taureaux. Il mettait toujours sa confiance dans les Hazès. Fais maintenant l'énumération des familles antiques et celle des races humaines. Quels sont les descendants de Skuld, de Skilfing, d'Eudling, d'Ilfing, des héros et des herses, ce peuple choisi parmi les peuples de Midgard. Tu es Ottar, fils d'Einstein, mais Einstein était fils d'Alf le vieux. Celui-ci descendait d'Ulf, Ulf descendait de Sieufar, et Sieufar de Sian le Rouge. Ta mère, riche par son collier, fut possédée par ton père. Je me souviens que la déesse se nommait Lédis. Frode était son père, Freyant était sa mère, et cette race paraît être la plus illustre de toutes. Hall était autrefois le plus puissant parmi les hommes. Avant lui, Halfdan était le plus grand des descendants de Skuld. Ses combats furent célèbres au loin, et ses exploits paraissent s'étendre jusqu'au pôle du ciel. Il s'allia avec Eymund, le plus grand des hommes, mais il tua Sigtrygg avec le fil rafraîchissant du glaive. Il posséda Almveig la noble et eut 18 fils avec elle. C'est d'eux que descendent les races de Skuld, de Skilfing, d'Eudling et d'Ingling. De ceux-ci descendent les héros et les herses, ce peuple choisi parmi les peuples de Midgard. Tout cela est ta race, ignorant Ottar. Hildigun, la mère d'Almveig, était fille de Svafa et d'un roi de la mer. Tout cela est ta race, ignorant Ottar. Il est nécessaire de savoir ces choses. Dois-je continuer ce discours? Dag posséda Thora, la mère des Dreng. De cette famille descendent les races des guerriers. Gerd et Fradmar, les deux Frekar, Am, Mur et Jofur, Alf le vieux. Il est nécessaire de savoir ces choses. Veux-tu en entendre davantage? Ketil, héritier de Klipp, était un aïeul maternel. Celui de ta mère se nommait Frode. Il y avait avant lui Kar, mais Alf était encore plus ancien. Nanna, fille de Nökves, était leur plus proche parente, et son fils fut le parent de ton père. Cette famille est vieille, j'en parlerai encore. Je connaissais Brod et Hörfer. Tout cela est ta race, ignorant Ottar. On compte de nombreux héros depuis Isolf et Asolf, fils d'Eulmod et de Skurhildur, fille de Skekil. Tout cela est Arras, ignorant Ottar. Balk et Gunnar, Grimm, Artskave, Jernskjold, Thorer, Ulf à la bouche ouverte, Bou et Brume, Bare et Reifner, Tind et Tirfing, les deux Hadding. Tout cela est Arras, ignorant Ottar. Anne et Om sont fils d'Arngrim et d'Eivara. La renommée de ces héros, formée par de nombreux exploits, parcourt la terre et la mer avec la rapidité des flammes. Tout cela est Arras, ignorant Ottar. J'ai connu Brod et Hörf. Ils étaient courtisans de Rolf l'Ancien. Ils descendent de Jormunrek, le gendre de Sigurd. Écoutez ma saga sur le général du roi qui tua Fafner. C'était un roi descendant de Völsung, et Hjördis descendait de Hrödung, mais Eilim descendait d'Ödling. Tout cela est Arras, ignorant Ottar. Gunnar et Högne étaient héritiers de Giuke, ainsi que leur sœur Gudrun. Guttorm n'était pas de la famille de Giuke. Cependant, il était leur frère. Tout cela est Arras, ignorant Ottar. Harald Hildetann, né Rörik l'Archer, était fils d'Auda. Auda Djupagda était fille d'Ifvar, mais Rodbar était père de Ranvers. C'étaient des héros consacrés aux dieux. Tout cela est Arras, ignorant Ottar. On a parlé de 11 As. Lorsque Balder descendit dans la colline de la mort, Vale était digne de le venger. Il tua le meurtrier de son frère. Tout cela est Arras, ignorant Ottar. Le père de Balder était l'héritier de Bur. Frey possédait Gerd, fille de Gimmer et d'Urboda, de la race des géants. Cependant, Thias, ce fier géant, était leur parent, et Skade, la fille de celui-ci. Je te dis beaucoup de choses, et j'en sais encore davantage. Peu de gens ici les connaissent. Dois-je continuer ce discours ? Hake était le moins mauvais des fils de Vedna, mais Vedna était fils de Jörvard. Heid et Rofstjof étaient de la famille de Rimmer. Toutes les sorcières descendent de Vidolf, tous les magiciens de Vilmeid. Les devins descendent de Svartöft et tous les géants d'Himmer. Je te dis beaucoup de choses et j'en sais encore davantage. Peu de gens ici les connaissent. Dois-je continuer ce discours ? Il est un homme qui naquit au commencement des temps. Sa force grandit avec lui. Ce noble général du javelot fut mis au monde par 9 vierges de la race des géants. Il fut mis au monde par Gialp et par Greip. Il fut porté par Elgia et Angeia, par Ulfrun et Örgjafa, par Zidur, Atla et Jernsaxa. Les forces de la terre, les vagues de la mer et l'hydromel des poètes furent la nourriture de cet enfant. Je dis beaucoup de choses et j'en sais encore davantage. Peu de gens ici les connaissent. Dois-je continuer mon discours ? Le loup de Locke fut engendré avec Angerboda, mais Locke procréa Sleipner avec Svadelfure. Un animal féroce, le plus monstrueux de tous, tire son origine du frère de Biliest. Locke trouva le cœur de la géante à demi consumé par le feu des passions. Cette méchante femme le rendit fort rusé. De là sont provenues toutes les sortes de fantômes qui errent dans les champs. L'océan s'élance contre le ciel lui-même et passe par-dessus le continent. Mais l'air s'entr'ouvre, de là viennent la neige et les vents agiles. Puis l'on délibère pour faire cesser la pluie. Il naquit un individu plus grand que tous les autres. Il fut nourri avec les forces de la terre. On le nomma le plus riche des rois. Il était allié avec toutes les intelligences. Il en viendra un autre encore plus puissant, mais je n'ose le nommer. Il y a peu d'hommes qui voient dans l'avenir au-delà du moment où Odin ira à la rencontre du loup. Portez à mon hôte le breuvage de mémoire, afin qu'il puisse nombrer toutes les paroles de cet entretien, quand, au troisième matin, il ouvrira avec Angantyr le compte des races. Maintenant, éloigne-toi promptement, j'ai envie de dormir. ma science ne t'en dira pas davantage. Tu cours la nuit, ami de feu, comme Heidrun avec ses boucs. Tu courus ainsi qu'un furieux, avec une impatience toujours nouvelle. Tu en pris plusieurs sous ta basque. Tu cours la nuit, ami de feu, comme Heidrun avec ses boucs. Géante, je lancerai du feu sur toi de manière à ce que tu ne puisses jamais t'éloigner d'ici. Tu cours la nuit, ami de feu, comme Heidrun avec ses boucs. Je vois le feu qui brûle et la terre est en flammes. Plusieurs perdront la vie. Donnez à boire à Ottar de l'hydromel mélangé de poison pour sa perte. Tes sortilèges seront nuls ici, quoique tu promettes du mal, fiancé des géants. Il boira le précieux hydromel. Je prie tous les dieux d'assister Ottar.